secret d'État explosif. 7000 pages qui racontent 30 ans de mensonges de la Maison Blanche. Deux journalistes prêts à tout pour la vérité. C'est légal, ça ? Meryl Streep, Tom Hanks, Pentagon Papers, publier ou se taire. Si nous, on leur demande pas des comptes, qui le fera ? Pentagon Papers, le film événement de Steven Spielberg, actuellement au cinéma. Un film Europe 1. C'est l'heure de remonter le temps à 5h56 sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 24 janvier 1965. Exactement, et c'est l'annonce de la mort d'un des grands hommes du XXe siècle, actuellement célébré sur le grand, sur le petit écran, Sir Winston, l'immense Churchill. À quel âge est-il mort, Franck ? À 90 ans, s'il vous plaît. Il était né en novembre 1874, au palais de Blenheim, dans le comté d'Oxford, fief de l'illustre maison de Marlborough dont il était membre. Sa mère était une américaine, Jenny Jerome, et elle n'avait pas voulu renoncer à la fête au bal donné ce soir-là, ce qui fait qu'elle a fini par accoucher dans le vestiaire des dames. Après une enfance marquée par une admiration sans retour, c'est le moins qu'on puisse dire, pour son père était un homme politique de talent, Winston est officier de cavalerie, correspondant de guerre lors de la guerre des Bourgs, député en 1900, il sera en 1911 premier lord de l'amirauté, s'il vous plaît, mais ça va l'amener à faire de graves erreurs puisqu'il entraîne, vous savez, la marine britannique dans cette désastreuse opération des Dardanelles, tellement coûteuse en vie humaine. On est encore loin, évidemment, du Premier ministre victorieux. Ah oui, on peut même dire que Churchill, aux yeux de la classe politique britannique, est considéré vraiment comme infréquentable pendant 20 ans, avant que les circonstances, en 1940, ne fassent de lui le leader des démocraties face à Hitler, à 65 ans donc. Cette guerre, il va la mener comme le champion d'une grande entreprise et le grand artiste d'une grande histoire, ce sont les mots mêmes du général de Gaulle à sa mort le 24 janvier 1965. N'oublions pas non plus qu'en 1953, le jury de Stockholm lui a décerné le prix Nobel, non pas de la paix, mais de littérature pour ses mémoires, fascinants mémoires. En ce moment, donc, vous avez l'interprétation de Gary Oldman dans Les Heures Sombres, de Joe Wright, vous pouvez également savourer celle de Lithgow, je crois que ça se dit, hein, John, oui. Lithgow, dans la série The Crown, qui est consacrée aux premières années du règne d'Elisabeth II.